Ah, la biodiversité. Un sujet qui touche tout le monde et où tout le monde se sent expert. Un mot souvent discuté et dissocié du monde agricole, trop fréquemment critiqué. Et pourtant, aujourd'hui, dans AgroJ'écoute, nous allons voir que l'agriculture et la biodiversité sont un duo gagnant. Et que la mise ou la remise en place d'infrastructures agroécologiques permet de réconcilier agriculteurs et biodiversité. Nous sommes Émilien, Étienne et Cyprien, trois étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan. Suivez-nous pour en découvrir un peu plus sur les liens entre agriculture et biodiversité. L'agroécologie, on m'a souvent posé la question, je ne sais pas ce que c'est. Le McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans. AgroJ'écoute. L'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. AgroJ'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'école d'ingénieurs de Purpan. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission d'AgroJ'écoute, sur les liens intimes qui lient biodiversité et agriculture. Au programme aujourd'hui, nous allons essayer de savoir comment les haies, les bandes enherbées, les bosquets et j'en passe, peuvent réconcilier agriculture et biodiversité. Brossons tout d'abord l'histoire de l'agriculture et de la biodiversité avec un élément majeur qui est le remembrement. Ensuite, nous ferons un état des lieux actuels et discuterons des enjeux d'aujourd'hui et de demain. Puis, dans un second temps, nous recevrons Madame Daria Renaud, spécialiste en agroforesterie chez Agrouf, pour nous parler des aspects un peu plus techniques et des bénéfices de ces infrastructures agroécologiques sur le monde agricole et la biodiversité fonctionnelle. Avant toute chose, et pour que tout le monde comprenne, définissons ce qu'est qu'une infrastructure agroécologique. Alors, vous allez voir, c'est quelque chose de très très simple à comprendre. C'est tout simplement des structures qui permettent la mise en place d'habitat au sein d'un agroécosystème, où se développe une végétation plus ou moins spontanée et qui est composée en règle générale de haies, de bosquets, de zones humides. Ça peut être aussi des couverts végétaux, semés qui est dit de service, et qui constituent des surfaces d'intérêt écologique. Merci beaucoup Émilien pour cette définition très complète. Maintenant, place aux faits. Il est donc temps pour nous d'entrer dans le monde fantastique de la biodiversité à travers l'agriculture. Alors que nous pensons tous que l'agriculture et la biodiversité ont toujours été liées, des événements nous ont fait dire le contraire. L'agriculture a évolué au fil du temps et des avancées technologiques. Par exemple, si nous mettons l'existence de l'humanité sur une journée de 24 heures, l'agriculture n'apparaîtrait seulement que 7 minutes avant minuit. Les paysages façonnés par l'agriculture ne sont pas si anciens que ça. Et ce n'est qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale que l'agriculture moderne est née et que de nombreux changements apparaissent. À l'après-guerre, on parle donc de productivité. Et oui, une guerre se termine, une autre recommence. Il faut reconstruire le pays, nourrir la population et tout ça en augmentant la productivité agricole. L'État a donc poussé les paysans à utiliser des engrais et des produits phytosanitaires que l'on a appris à produire durant la guerre. Mais ça, c'est une autre histoire. Et cette large vague de mécanisation a permis aussi d'augmenter les surfaces agricoles cultivées et de rediriger les ouvriers agricoles vers les industries et les usines. Tous ces événements-là ont façonné l'agriculture que nous connaissons aujourd'hui. Mais à quel prix ? La diminution de plantes messicoles, avec l'apparition excessive du labour et des emplois d'herbicides, en serait un bon exemple. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas parlé de ça. Nous avons parlé d'une grande réforme engagée par l'État. Une réforme qui a permis d'augmenter cette productivité par les paysans. Et sûrement, qui a aussi impacté énormément la biodiversité de nos campagnes. Je parle bien sûr du remembrement. Le cadastre est refondu. Les parcelles groupées et redistribuées. Champs plus vastes, mieux dessinés, plus accessibles. Gain de temps, de qualité, de surface. Voilà, donc le remembrement, c'est l'échange de parcelles entre agriculteurs afin que chaque agriculteur puisse avoir ses parcelles les unes à côté des autres, à côté de son exploitation. Donc en 1965, pour répondre à la demande de productivité, la modernisation de l'agriculture est décidée. Donc on arrache donc les haies, on rebouche les fossés et on aplanit les talus, pardon. Ce qui, afin de pouvoir accéder plus facilement à ces parcelles et manœuvrer plus facilement dans celles-ci. Donc cela arrange fortement les agriculteurs, mais ce qui arrange l'agriculteur n'arrange pas forcément la biodiversité. Avant tout, rappelons ce qu'est la biodiversité. En un terme simple, c'est la diversité des écosystèmes, la diversité entre les espèces et au sein des espèces, que ce soit les plantes, les animaux, les oiseaux, les bactéries et même les champignons. Ainsi, donc, le retrait de ces bassins de vie a un impact sur la biodiversité à travers la réduction des habitats. En effet, le retrait des infrastructures agroécologiques telles que les bosquets, les arbres isolés, les haies, les fossés, les talus, les zones humides ont entraîné une simplification du paysage. Cette simplification du paysage a amené à la raréfaction, voire à la disparition, d'un très grand nombre d'espèces. Il faut savoir qu'en France, près des trois quarts du linéaire de haies ont été arrachés entre les années 1900 et les années 2000. Et le problème est loin d'être résolu, puisque chaque année en France, c'est la distance Paris-Singapour qui est arrachée en termes de haies, c'est-à-dire 11 000 km de haies. Et il y en a seulement 7 000 qui ont été replantés en 2 ans. Avec la modernisation des pratiques agricoles, les labours ont été de plus en plus profonds et de plus en plus réguliers, faits tous les ans, par exemple. Cela a impacté énormément la vie du sol. On a aussi utilisé de plus en plus d'herbicides qui ont permis d'avoir des champs plus propres, mais donc avec du coup moins d'espèces messicoles, et du coup moins d'alimentation pour les insectes vivant dans nos champs, dans nos prairies. De plus, 30% des oiseaux ont disparu de nos campagnes ces dernières décennies, et on estime que 1 à 2 tiers de la biomasse d'insectes aurait disparu elle aussi. Alors, c'est pratique pour traverser la France sans avoir à nettoyer son pare-brise, mais... En effet, mais c'est plutôt mauvais signe pour la biodiversité. Je suis d'accord. Et ce n'est pas tout, puisque la spécification et la simplification des rotations de culture sont aussi à l'origine de ce déclin de la biodiversité. On sait que sur 7000 espèces qui peuvent être cultivées, seulement 30 d'entre elles fournissent 90% de l'alimentation. La diversité génétique de ces dernières années s'est donc aussi réduite. Les cultures paysannes cultivées en masse jusque dans les années 70 sont alors concurrencées par la sélection de variétés plus productives. La biodiversité a donc souffert et souffre encore aujourd'hui des conséquences du remembrement. Cette simplification des agrosystèmes et l'utilisation excessive de phyto et d'engrais de synthèse, comme vous disiez tout à l'heure, les rend beaucoup plus vulnérables aux aléas climatiques. Ainsi, différents enjeux font face à l'agriculture de demain pour remettre au centre la biodiversité. Il peut par exemple y avoir la remise en place d'infrastructures agroécologiques pour maintenir cette biodiversité. Ainsi, nous allons faire face à deux principaux enjeux dans le futur qui sont valoriser les savoir-faire et en proposer de nouveaux pour valoriser au mieux les ressources génétiques et tous les services fournis par cette biodiversité. Et enfin, accompagner la restauration écologique de systèmes dégradés vers des systèmes beaucoup plus diversifiés. Mais concentrons-nous un peu plus maintenant sur une infrastructure qui a été largement détruite durant ces années d'après-guerre, et notamment durant le remembrement, considéré comme parfois par les agriculteurs comme gênant aux pratiques agricoles. Je parle bien sûr des haies. Et pour cela, nous recevons Madame Renaud Daria, spécialiste en agroforesterie à Agrouf. Donc bonjour Madame Renaud. Bonjour. Merci tout d'abord d'être venue parmi nous aujourd'hui par téléphone. Pour commencer, une simple question, je pense que ça intéresserait tous nos auditeurs ici, de savoir en quelques mots votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené à travailler dans l'agroforesterie à Agrouf. Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je suis présente parmi vous. Pour mon parcours, je suis fille d'agriculteur et donc très intéressée par tout l'environnement agricole. Et puis j'ai fait des études d'ingénieur agronome à Dijon et j'ai intégré directement après mes études la SCOP Agrouf, donc qui est dans le Gard et qui existe depuis plus de 20 ans, qui travaille pour le développement de l'agroforesterie en France et au-delà. La SCOP Agrouf, elle est spécialisée en agroforesterie, elle fait de la recherche, de la formation et du conseil. Et la plupart des salariés de la SCOP ont les trois casquettes, parce qu'on pense que c'est important de lier les questions et les résultats de recherche avec le contact qu'on a en formation et en conseil avec les agriculteurs, les étudiants et autres porteurs de projets. Et voilà, pour moi, ça a toujours été mon envie, ma motivation de travailler pour une agriculture durable et notamment en agroforesterie. Voilà. Ben merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons nous intéresser un peu plus précisément sur au haies. Du coup, donc on aimerait vous poser une simple question qui est comment caractériser concrètement une haie. Comment on pourrait la caractériser? Quels sont leurs rôles aussi dans l'agro-écosystème et pourquoi sont-elles si importantes? Alors, pour caractériser ou du moins définir une haie, on peut se référer à une définition qui est fixée par la PAC. Et qui est notamment reconduite pour la nouvelle PAC qui sera mise en place en 2023. Donc la PAC définit la haie comme étant une unité linéaire de végétation ligneuse d'une largeur inférieure ou égale à 20 mètres et donc avec une présence de ligneux, notamment d'arbres et ou d'arbustes. Donc on voit que c'est une définition qui est assez stricte. Parce que la PAC a besoin d'identifier clairement tout ce qui peut représenter une haie. Et puis, un point à noter, c'est que dans la nouvelle PAC, la largeur minimale de la haie s'est étendue à 20 mètres contre 10 mètres depuis les années 2000. Voilà, donc on va considérer de plus en plus de haies en tant que telles dans la PAC. Voilà, après, en dehors de cette définition de la PAC, qui est malgré tout importante et dans des structures comme un groupe ou tous nos partenaires, on doit se référer à ces définitions. Mais malgré tout, on peut avoir une définition plus large de la haie comme étant une infrastructure agroécologique qui est linéaire, continue et en tout cas constituée de végétation ligneuse avec différentes strates. Donc, d'où la notion d'arbuste et d'arbre. Ensuite, pour l'impact sur l'environnement de la haie, on peut dire que la haie elle a un impact direct sur les écosystèmes parce que en fait la présence d'arbres ça représente une potentielle source de gîtes et de couverts, c'est-à-dire de ressources pour plusieurs types d'individus. Qui représente une biodiversité. Et donc, du coup, cette implantation d'arbres en fonction des essences, des strates, ça va modifier la biodiversité. Et puis, la haie, elle peut donc avoir un rôle pour l'agriculture, notamment en passant par la lutte biologique. En modifiant la biodiversité, la haie, elle va attirer ou repousser certains individus. On peut parler d'insectes, de microfaunes, macrofaunes. On peut parler de plusieurs strates d'individus, d'organismes vivants. Et en fait, en attirant et en repoussant ces individus, on va pouvoir maintenir, développer des populations d'auxiliaires des cultures. D'accord. D'accord, ben merci beaucoup. Donc, nous allons juste faire une petite pause musicale et nous revenons juste après. Donc restez avec nous, on restera et on reviendra avec Madame Renaud juste après cette pause musicale où nous parlerons un peu plus des enjeux qui sont liés autour de cette haie. Toute l'année, même les jours fériés, sous la pluie, la neige ou le vent, notre passion, notre métier se vit au milieu des champs, à la fraîche au petit matin. Le coq nous clame ses chansons l'année prochaine, oui c'est certain, il remportera l'Eurovision. On ne redoute pas le labeur, pour le pire, pour le meilleur, la terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs. Pâturage vaches en pâturage, aux petits soins pour nos bovines. Les cloches chantonnent sur les collines, la mélodie de nos campagnes. La nature nous donne cette envie de croire en notre avenir. Ce terroir nous a vu grandir, on lui consacre notre vie. Te fais pas de mille, on ne va pas trier les lentilles. À côté du puits envolé, avec le cou déjà levé, y aura Jim, notre vedette, on t'attendra de l'île à la buvette. On se couchera à point d'heure, sans le pire, juste le meilleur. La terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs. Alors, nous sommes de retour dans AgroJécoute. Encore merci au groupe Oiseau pour cette pause musicale. Revenons à notre sujet concernant l'agriculture et la biodiversité, un duo gagnant. Nous étions arrêtés avec Madame Renaud sur un cas plus concret d'infrastructure agroécologique qui était les haies. Donc on avait pu voir que ces dernières pouvaient prendre des formes bien différentes et qu'elles avaient des rôles très divers et variés au sein des agroécosystèmes. Donc on sait aujourd'hui que ce n'est pas le seul enjeu qui entoure les haies. Et alors, afin de reprendre la discussion que nous avions précédemment, nous avons pu voir qu'en France, l'arrachage des haies est encore fortement présent. Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, pourquoi arrache-t-on encore aujourd'hui des haies en France ? Alors, la haie, elle a beaucoup d'avantages. Nous, on les voit, vous en avez parlé. Mais malheureusement, il y a aussi encore des désavantages de la haie qui sont perçus par les agriculteurs notamment, du fait d'un manque de connaissances sur la possible production que peut représenter la haie. En fait, historiquement, les haies, elles étaient très entretenues, elles étaient même valorisées économiquement par les agriculteurs parce qu'elles étaient présentes, elles faisaient partie de la parcelle agricole en tant que telle. Aujourd'hui, les haies, elles peuvent être perçues comme étant simplement une infrastructure agroécologique, mais à visée non productive. Alors que ce qui peut être défendu, c'est que la haie, elle peut aussi avoir cet avantage d'être productive. Pour citer un exemple, on peut dire que l'exploitation de la haie, ça peut faire du bois de chauffe, ça peut faire du BRF, donc du bois raméal fragmenté, qui permet de faire un paillage en maraîchage ou dans des plantations diverses. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui revient, cette exploitation de la haie, mais c'est encore timide. Et peut-être que le fait que l'arrachage est encore très important est dû au fait que la haie, elle n'est pas assez considérée comme quelque chose de productif. Elle est considérée comme quelque chose de gênant dans la parcelle du fait de la mécanisation. La haie, si elle n'est pas valorisée, elle a un coût, c'est vrai, il faut le noter, elle a un coût d'entretien que les agriculteurs peuvent pas toujours supporter, donc ça peut pousser à des arrachages. Ensuite, on a des haies qui sont assez vieillissantes, qui n'ont pas été renouvelées pendant plusieurs décennies, et donc ces haies vieillissantes, en fait, elles sont pas productives, donc elles peuvent être arrachées. Par contre, je peux mettre un petit point d'attention sur le fait que la PAC aujourd'hui et depuis la PAC de 2014, elle réglemente en fait l'entretien des haies et notamment l'arrachage. Donc voilà, c'est une règle qui s'appelle la BCAE8, c'est les bonnes conduites agro-environnementales. Et cette règle, la huitième, elle réglemente la taille de la haie sur une période qui est assez courte pour éviter de modifier la haie à des périodes de nidification d'oiseaux. Et puis elle réglemente aussi l'arrachage en fait des haies, et l'arrachage des haies est interdite en fait sauf sous arrêté préfectoral. D'accord. Vous nous avez parlé tout à l'heure de la PAC, donc la politique agricole commune amenée par l'Europe. Le volet administratif, du coup, lié à cette PAC et notamment au E, est-ce que vous pouvez nous dire les grandes règles qui en ressortent, mais pas en quelques mots, s'il vous plaît ? Oui. Et ben, comme je vous ai dit, la PAC, elle est définie et admissible si elle fait moins de 20 mètres de large. Sinon, au-delà de 20 mètres, la haie n'est plus une haie, c'est une forêt et elle sort des surfaces admissibles par la PAC, donc l'agriculteur est moins rémunéré. Et puis, il y a trois règles qui sont dédiées à la PAC. Eh bien, c'est le fait de devoir maintenir des particularités topographiques, c'est-à-dire que des haies qui font de moins de 10 mètres de large, on n'a pas le droit de les toucher, donc c'est une règle. Ensuite, il y a une autre règle chiffrée qui demande aux agriculteurs de maintenir 4% d'IAE, donc d'infrastructures agroécologiques, sur leur exploitation. Et puis la troisième règle, c'est celle que je vous ai citée, c'est la règle de la restriction des périodes de taille entre le 16 mars et le 15 août. Voilà. Et puis l'arrachage est soumis à dérogation. Donc c'est de plus en plus difficile d'arracher des haies, on ne peut pas le faire comme ça. On a vu, bon, du coup, on a vu en règle générale que beaucoup d'agriculteurs du coup pouvaient continuer à arracher des haies pour faciliter le travail, agrandir leurs champs, etc. Mais on a vu aussi qu'il y en avait pas mal qui commençaient à revenir en arrière, qui recommençaient à replanter des haies. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux agriculteurs qui, eux, qui sont en contrepartie, un peu austères au replantage des haies? Eh ben, on peut essayer. Enfin, c'est l'objectif de la recherche, c'est de trouver des systèmes. Essayer de montrer que la haie, elle peut être productive, qu'elle peut être valorisée, mais également montrer qu'elle a des intérêts pour les écosystèmes. Comme on a dit tout à l'heure, on peut citer plusieurs intérêts de la haie, notamment la participation à la lutte biologique, c'est-à-dire l'accueil d'auxiliaires des cultures qui vont venir se nourrir. Des phytophages comme les pucerons, les chenilles, les sarrasins, etc. Aussi, la haie peut avoir un effet brisant et on a des résultats de recherche qui montrent des effets de la haie en fonction de sa hauteur sur la longueur à laquelle elle protège les cultures intercalaires. On a aussi la notion de corridor écologique, c'est-à-dire que la haie, crée des connexions entre les lieux d'habitat de la biodiversité. Et puis, comme je vous l'ai cité, il y a la possibilité de produire. Et puis, enfin, pour pouvoir motiver à la replantation de haies, il y a beaucoup d'aides au financement qui sont mises en place depuis plusieurs années. Il y a des structures qui montent en compétence dans plusieurs territoires. On est presque une structure par département. À pouvoir conseiller les agriculteurs sur de la replantation de haies, conseiller sur les essences qui sont de moins en moins connues, conseiller sur la valorisation possible, etc. Les agriculteurs, cette année, on a vu qu'ils avaient été énormément impactés par la sécheresse. Est-ce que les haies, notamment avec l'effet brise-vent et donc l'ombre qu'elles génèrent, peuvent avoir un effet positif ou négatif sur les sécheresses ou les canicules lorsqu'il y en a ? Eh ben, c'est difficile de répondre oui ou non à cette question. Comme je vous ai dit, à Agrouf, on a des chercheurs qui montent des projets de recherche. On en a plusieurs et il y a notamment un projet de recherche qui s'appelle Respect, qui vient de se finir, qui finissait en 2022. Et je vous invite à suivre le cycle de webinaire de ce projet de recherche, en fait, dont l'objectif, c'est de montrer que la haie peut représenter une ressource territoriale, qu'elle rend des services écosystémiques et essayer d'observer les performances technico-économiques des haies dans les exploitations agricoles. Donc, vous pouvez trouver tous les webinaires avec les résultats de recherche. Mais pour répondre rapidement, en effet, on a eu des résultats sur le fait que la présence d'arbres ou de haies en général crée un microclimat à l'aplomb des arbres. Et donc, en journée, dans des périodes de canicule, peut abaisser la température jusqu'à 3 à 4 degrés et peut augmenter la température avec la couverture arborée la nuit lorsque la température du sol chute. Ensuite, il y a eu des résultats qui ont montré des bienfaits de l'effet brisement sur les cultures. Donc, la couverture de l'effet brisement va à plus de 10 fois la hauteur de la haie sur la culture intercalaire. Vous m'avez demandé s'il y avait des effets positifs et des effets négatifs. On a aussi montré des effets négatifs aux aplombs directs de la haie sur la réduction de la production, par exemple, sur des projets de recherche en vigne. Voilà, il peut y avoir des réductions de production à l'aplomb des haies en fonction de la typologie de la haie, puisqu'on peut avoir des haies qui sont trop brise-vent. On a des haies aussi qui laissent passer le vent et donc qui ne créent pas de turbulence à l'aplomb de la haie. Je vous invite à aller regarder les résultats de recherche des différents projets. On a notamment les résultats qui sont regroupés au niveau du RMT Agroforesterie, c'est le réseau mixte technologique de l'agroforesterie. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous auriez un dernier mot à nous faire parvenir avant que nous concluions cette émission ? Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation. N'hésitez pas à vous renseigner sur les résultats de recherche de l'agroforesterie. Et puis, une chose très importante qui peut intéresser les agriculteurs qui nous écoutent, l'ensemble des aides qui sont mises en place pour la replantation. On a des aides publiques de la PAC, des aides des régions. Et puis, on a aussi des financements privés possibles de parrainage d'arbres qui peuvent aider à replanter. Merci beaucoup, Madame Renaud. Merci d'être parmi nous au téléphone. Nous allons conclure cette émission. Donc, nous avons pu voir que les haies avaient beaucoup, beaucoup d'avantages, mais aussi des inconvénients. Que cette remise en place n'était pas si inutile que ça, notamment au niveau des cultures et au niveau agricole. Mais qu'il y avait certains critères à respecter, donc comme on l'a dit tout à l'heure avec la PAC et cette fameuse politique agricole commune initiée par l'État. Aujourd'hui, nous sommes surtout focalisés sur les haies, mais bon, faut pas oublier qu'il y en a plein d'autres, les zones humides, comme on l'a dit au début, qui sont une grosse source de biodiversité aussi, les bosquets, enfin, j'en passe, il y en a beaucoup, beaucoup. Et n'oublions pas aussi qu'il existe aussi de multiples facteurs qui peuvent influencer cette biodiversité au sein de ces infrastructures agroécologiques. Et donc du coup, nous arrivons maintenant à la fin de notre émission. Et donc temps pour nous de remercier tous nos partenaires, donc notamment l'école d'ingénieurs de Purpan, mais aussi Campus FM. Et merci, on remercie encore une fois Madame Renaud, qui grâce à vous tous, cette émission n'aurait pas eu lieu aujourd'hui.